Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le sucre pour le meilleur et pour le pire. Une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a le plaisir coupable d'une tarte au citron meringuée, un produit transformé qui est partout et fait des dégâts. Les médecins en dénoncent l'abus, il est addictif, et les lobbies lui déroulent le tapis rouge. Mais c'est tellement bon. Alors pour commencer, les personnages. Un pâtissier confiseur, une pâtissière en action, un spécialiste des lobbies français, un chimiste au fourneau, un meilleur ouvrier de France et des lobbyistes anti-lobby. Ensuite, le décor. Garenne Colombe, du sucre, de l'amour et des souvenirs, une marmite, des expériences, de la chantilly, de la gastronomie, de l'éducation, le sucre caché, des enchères, Bruxelles, le Mexique et la taxe soda. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est le moment du conte de fées. Le sucre, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, de la gourmandise au lobby, Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. À la lisière d'une sombre forêt, dans une famille très pauvre, vivaient deux enfants, Hansel et Gretel. Leur père était bûcheron et sa seconde épouse, une marâtre, les traitait durement. Une fois les provisions épuisées, les parents essayèrent de perdre les enfants dans la forêt. Sucre vanille, sucre de fève de tonka, sucre thé matcha agrume, ça doit être parfumé. Alors la première fois, ils ont semé des cailloux pour retrouver leur chemin, et la deuxième fois, ils ont semé des petits morceaux de pain. Seulement voilà, les oiseaux ont mangé les morceaux de pain, ils n'ont donc pas retrouvé leur chemin. Après 3 jours d'errance, les enfants se retrouvent devant une drôle de maison. On est sur une petite place de la Garenne Colombe, en banlieue parisienne. Les murs et le toit sont en pain d'épices, les fenêtres en sucre d'orge, la porte en réglisse et la cheminée en nougat. Une vieille femme les invite à entrer. Hé, hey, c'était un piège. Madame, bonjour. Oui, je suis en train de faire ce que j'ai. C'est pour offrir ? Oui, je pense plus pour les noisettes, je crois. Oui, c'est oui, mais je pense que c'est une. Donc apparemment, c'est des mélanges qu'ils font eux-mêmes. Donc c'est sucre, agrumes et épices, sucre menthe, sucre cardamome, sucre thé matcha et agrumes, sucre vanille. Ça met l'eau à la bouche. Je ferais bien du coup la petite comme ça. Et ah bon, on vient sachet avec quelque chose, ça, oui. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Pour 100 grammes, on est à peu près à 6 truffes. Donc après, c'est 5 grammes, ça fait combien? 8 euros. Voilà. Excusez-moi, je ne me voyais pas. Donc là, on est à l'intérieur de la pâtisserie Nicolas Bernardet, qui se trouve à la Garenne Colombe, et va visiter les ateliers où se préparent les confiseries et la chocolaterie. Et là, on est en plein rush de la période de Noël, puisqu'ils sont en pleine préparation des bûches qui sont conçues un peu comme des œuvres d'art avec des modèles chaque année qui sont des créations uniques. Bienvenue dans le laboratoire. Je vous présente toute l'équipe. Alors, il y a Augustin, Justin qui est derrière, Arnaud qui travaille avec nous, Amine, Nicolas. À côté, il y a Morgane. Et de l'autre côté, il y a, je crois, les filles, Annabelle et puis quelqu'un d'autre qui se cache quelque part, bref, dans les coins, et Gabi. Bonjour, bonjour. Et là, cet après-midi, on va faire des caramels d'un côté et on va faire aussi quelques préparations, des pâtes de fruits. On a prévu aussi de faire des préparations pour le Japon, pour envoyer là-bas. Des pâtisseries ? Quelques chocolats, quelques pâtisseries. Donc ça va être sympa. Vous mettez en place pour les caramels, juste faudrait quelqu'un qui s'occupe de les couper. T'as vu hier comment ça se passait ? C'est une sorcière qui force Hansel et Gretel à exécuter les travaux domestiques les plus pénibles. Et elle finit par enfermer Hansel dans une cage pour l'engraisser avant de le manger. Pavé Amande, peut-être Arnaud il va s'en occuper le temps que fassiez les caramels. Tu vois avec Arnaud où il en était et tu prends le relais. Comme ça Arnaud il va s'occuper des pavés Amande. Vous restez ensemble, Arnaud il s'occupe des pâtes de fruits et voilà. Ouais. Peut-être la table qui est là, tu la mets ici de ce côté, comme ça tu te mets au bout, ce sera top. Merci. On a toujours cette image quand on est enfant du bonbon qu'on nous donne parce qu'on a été gentil, parce qu'on a bien travaillé à l'école, parce que voilà, mamie, maman nous donne un petit chocolat, un petit bonbon. Et le sucre, en fait, ça nous rappelle cette enfance et ça nous rappelle des bons souvenirs. Et en fait, ces petits moments de douceur, nous, on les propose aux clients. Et c'est plus que du sucre et la matière en elle-même, c'est vraiment tout ce qui va avec. Alors, c'est pas de la poésie, mais c'est juste des émotions en fait qui passent par les produits qu'on fait. Et le sucre, voilà, c'est plus qu'un petit carré de sucre. Souvent, quand on propose un petit caramel aux gens, c'est plus que ça. C'est de l'amour. Une mère, traditionnellement, quand un bébé pleure la nuit, elle va peut-être lui donner un tout petit peu d'eau sucrée. Dans les contes de fées, les enfants sont toujours récompensés par du sucre, par un bonbon, par un gâteau. Quand on veut faire plaisir, on offre du sucre, les gâteaux d'anniversaire. Et c'est ça aussi la question, c'est d'expliquer aux gens qu'on n'aimera pas plus un enfant au prétexte qu'on lui donnera plus de sucre. C'est très bon. Ouais, c'est du caramel, du sucre et du glucose. On fait réduire, caraméliser, on met des fruits et après on recuit un peu et on débarrasse. À chaque fois, on les fait avec une grosse marmite, je vais vous la faire voir. Elle s'est occupée de ça, donc elle a fait réduire la crème avec le sucre et la purée de fruits. Et à chaque fois, ça cuit peut-être pendant combien ? C'est rouge, bien. Framboise. Framboise. On dirait une pâte de fruits alors qu'en fait c'est un caramel, c'est étonnant. C'est un petit peu salé aussi, non? Oui, il y a du sel à la fin de la cuisson. Du coup, on a envie d'en prendre un autre à chaque fois. C'est ça, le piège. Alors, attendez, il faut que je vous fasse goûter quelque chose. Alors. Vous allez, ça va pas être bon, hein. Je suis pas cuisinier. Voilà. Vous vous pincez le nez, je vous donne un peu de ce truc-là, je vous dis pas ce que c'est. Vous allez le mettre en bouche, le mâcher. Et vous sentez rien, normalement. Vous lâchez, bon. Ah oui. C'est les arbres de Provence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saveur. La langue, la bouche reconnaît les saveurs. Et quand le nez est bouché, les molécules odorantes qui sont libérées par la mastication ne peuvent pas remonter vers le nez. Et ça ferait l'odeur. Bon. Il y a des composés qui ont les deux à la fois. Par exemple, vous êtes prête à faire quelque chose de pas très agréable ? Mais moi j'aime beaucoup le poivre. On refait la même manip avec du poivre. Donc vous bouchez le nez d'abord, voilà. Vous pincez le nez. Vous le mettez en bouche, on ne va pas en prendre trop. On sent quelque chose. Oui, mais non seulement, il y a quelque chose, et en plus ça picote. Et maintenant vous lâchez, et crac, il y a une belle odeur. Si vous prenez du sucre, vous vous pincez le nez, vous en mettez un peu dans la bouche. Ce coup-ci, vous le sentez, le sucré. Vous lâchez, ça ne change rien. C'est pareil. Ben, oui, parce que le sucre n'a pas d'odeur, il a juste une saveur. Alors il y a cette parenté un peu historique avec le sel et le sucre qui tous les deux ont été utilisés pendant très longtemps pour leur capacité d'être des conservateurs d'aliments. Le fromage est une conserve de lait, le saucisson est une conserve de viande, la confiture est une conserve de fruits. Dans l'alcool, on peut conserver. Le fumage était une conserve. Et dans l'histoire de l'alimentation, toutes les cultures ont conservé. Alors le sucre est utilisé dans des hôpitaux de campagne sur les plaies parce que en gros, vous avez une plaie. Bon, si l'air, il est plein de bestioles, enfin de micro-organismes pathogènes. Bon, c'est pour ça qu'on cuit en cuisine. Ces micro-organismes, ils vont venir dans votre bocal à confiture. Si vous mettez avec du sucre, le sucre capte très bien l'eau. Donc, il va vider le micro-organisme de son eau. Et à ce moment-là, le micro-organisme ne peut pas vivre. Et alors, coup de bol, si on est entre 40 et 65% de sucre par rapport aux fruits, on a une confiture qui prend en gelée. C'est mieux d'avoir une gelée plutôt qu'un truc qui coule, quoi. Parce que sinon, la confiture, ça dégouline entre les trous de la tartine. On fait des formations pour les mamans, les papas, les enfants qui viennent au laboratoire. Et pendant 3 heures, on fait un gâteau avec eux. Ce gâteau, ils le ramènent à la maison, ils le mangent. Quand on est en cours, souvent, les gens nous posent la question, ils nous disent « Ah, est-ce qu'on peut enlever du sucre ? Le sucre, c'est pas bon, le sucre, c'est pas bien. » C'est vrai, le sucre, faut pas en exagérer. Nous, notre métier, je vais pas vous mentir, le sucre, c'est vraiment l'ADN. C'est au cœur même de ce qu'on fait, de tous les produits. Tu vois les quantités de sucre qu'on commande par semaine et qu'on passe, c'est juste astronomique. Mais je pense que dans un repas, même dans une journée, le dessert, donc la partie sucrée qu'on propose aux clients, c'est une infime partie. Si à côté les gens mangent une entrée avec des crudités, un repas classique et se font à manger naturellement le petit carré de caramel avec le café, ça va pas les rendre malades, loin de là. Quand on propose aux gens, souvent on leur dit on pourrait par exemple dans cette recette enlever du sucre, des sucres au maximum. Nous on le fait, on essaye des fois. Quand on goûte après les produits, on se rend compte qu'il y a un seuil en fait en dessous duquel il est un produit qu'on considère comme étant une pâtisserie ou quelque chose de sucré. Si on descend en dessous de ce seuil de sucre, on ne l'apprécie pas. Par exemple, une crème chantilly, si on la désucre trop, si on fait foisonner de la crème au batteur, qu'on met de la vanille et qu'on sucre très peu, au bout d'un moment, si on sucre trop peu, c'est vraiment pas bon. Ça fait vraiment une crème montée, c'est gras, c'est mauvais. Alors que si on met la juste dose de sucre, c'est super bon. Yo, Pink Daddy! Je voulais que tu saches que mon truc à moi c'est la douceur. J'en ai à revendre pour tes parents, tes frères et tes sœurs. Mélange au doux bébé avec du blanc d'œuf et du beurre. Je te fais par le dessert pour ton anime ou la chandeleur. Comment rester de glace devant un tel morceau? Là je joue toutes mes cartes, vite, trêve, cœur et carreau. Moi j'aime le sucre de Cadenis à San Francisco. Sans oublier le pain de sucre de Rio. Viens par ici mon petit chou. Vas-y va te donner du coup. Je suis l'objet de ton plaisir. Le marketing américain s'est attaché à trouver ce moment en haut du pic où vraiment on peut y aller et on peut mettre le plus de sucre possible. Bernard Pellegrin, vous avez donc écrit un ouvrage intitulé « Enquête sur l'autre poudre ». Donc vous parlez du sucre et vous êtes allé aux États-Unis pour voir comment ces lobbies ont vraiment pointé le « bliss point ». On pourrait traduire ça en français par le degré de suavitude ou le degré de délice. C'est ce moment où on peut basculer entre le trop agréable et le trop désagréable. Et donc, vous étudiez plus particulièrement l'influence du lobby agroalimentaire en la matière. Le sucre en France, c'est la betterave, hein, depuis Napoléon. Et évidemment, ce sont des gens puissants et qui cherchent à défendre leurs intérêts, comme tous les lobbyistes du monde. Et j'ai été attaqué en justice par ce CEDUS parce que on me reprochait d'avoir discriminer, injurier, diffamer le produit sucre. Donc, nous sommes allés au tribunal et ça s'est fini très bien pour mon livre et moins bien pour le CEDUS. Là, comme on évoquait le CEDUS, donc qui est le lobby français qui défend le sucre, il est financé par qui ? Par les betteraviers essentiellement, puisqu'encore une fois, le sucre en France, c'est la betterave. Alors, le CEDUS intervient pas du tout de la même manière, ou intervenait pas du tout de la même manière que le lobby américain, parce que le CEDUS s'adapte aux traditions françaises. Donc, quand on va sur leur site ou qu'on parle avec eux, on va mettre en avant des choses que les Américains mettaient pas en avant. On va mettre en avant la pâtisserie, la gastronomie française, le bon goût. Oui, bien sûr, n'importe quel pâtissier de talent peut transformer le sucre en une chose formidable. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il mettait en avant. Et puis, il mettait aussi beaucoup en avant le côté éducation au sucre. C'est-à-dire, nous, en tant que représentants du sucre en France, on souhaite intéresser les enseignants pour qu'ils parlent du sucre de manière responsable à leurs enfants, etc., etc. Donc ça, c'est les deux choses qui étaient affichées, plutôt que de dire manger du sucre de façon un peu comme ça brutale et directe. C'est plus sophistiqué que manière d'intervenir. Ça change rien au fait que l'idée, c'est de consommer du sucre. Jusqu'à présent, pour résorber ces surplus, on avait eu recours à la distillation. Pierre Mendès, France. Que fallait-il faire en 1954 ? Le gouvernement a décidé de consacrer à la production de sucre les deux tiers du contingent de betteraves qui devait normalement être affecté cette année à la production d'alcool comme l'an passé. Mais nous préférons produire plus de sucre, nourriture bienfaisante, et moins d'alcool inutile et souvent même nuisible. Sans doute, notre production de sucre posera un problème d'écoulement. Une partie en sera exportée avec prime. Une autre partie ira vers l'Union française qui s'approvisionnait trop souvent jusqu'ici à l'étranger. À partir du 1er janvier prochain, entrera en application un plan de distribution de lait sucré dans les écoles publiques et privées de France. Ces distributions seront salutaires pour la santé de nos enfants. Alors revenons quand même à l'importance du sucre dès la naissance, la saveur sucrée. Vous voyez, vous êtes une plante, vous faites des graines pour vous reproduire. L'évolution biologique a fait que les plantes en sont venues à faire des fruits colorés, pleins de sucre, en général de trois sucres, parce que toutes les plantes produisent glucose, fructose, saccharose. Une carotte ou un arbre, c'est pareil, vous avez la sève brute, c'est-à-dire de l'eau et des sels minéraux qui sont aspirés par les racines, qui montent, ça va dans les feuilles, elles reçoivent du dioxyde de carbone dans l'air, de la lumière, c'est une usine de chimie, ça fabrique trois sucres, et ces sucres sont ramenés dans les organes de stockage, c'est-à-dire la pomme de terre pour l'amidon, c'est-à-dire la carotte qui est bien sucrée, l'oignon qui est bien sucré, tous les végétaux. D'abord, la couleur attire, ensuite l'odeur attire, et donc vous avez des animaux qui peuvent être des oiseaux, mais qui peuvent être des primates, qui vont manger ça parce que le sucre, c'est eux aussi ce qu'ils ont dans le sang qui passe, qui est leur énergie. C'est-à-dire, et pour une bagnole, il faut de l'essence, pour un animal, il faut du glucose ou un sucre. Et donc, l'animal qui va manger ce fruit va rejeter la graine plus loin, et donc il y a une coévolution des plantes avec les animaux à cause du sucre. Donc le sucre, il nous en faut, on est bien d'accord. Alors, qu'il vienne de la farine, ou qu'il vienne de la canne à sucre, ou qu'il vienne du raisin, de la betterave, tout ça est pareil. Le corps a besoin de glucides. Alors, il n'est pas question de dire, voilà, les glucides sont des poisons, et le corps peut s'en passer. Pas du tout. Le cerveau a besoin de glucides. Après, il y a glucides et glucides. Il y a une différence entre un plat de lentilles et puis un sachet de fraises Tagada. C'est un agent de texture, c'est un agent de goût, parce que voilà, tout le monde aime le sucre. Mais le fruit dans du liquide, ça fait un sirop. Le sucre dans du beurre, ça fait la base de nos cakes. Ça fait une émulsion, entre guillemets, un crémage. Le sucre dans du chocolat, ça fait pour certaines fois une caramélisation. Quand on fait par exemple des pralinés, le goût est différencié à chaque fois, suivant ce qu'on fait. Nous, on est dans le vrai, on utilise du sucre cristal, du sucre semoule, du sucre glace, c'est des produits qui sont assez vrais. Nous, je pense que quand on vient à la pâtisserie, on sait qu'il y a du sucre, on s'y attend, on le sent, qu'il n'y a pas de tromperie, le cerveau le comprend, et puis le corps aussi. Je pense que c'est mieux de manger du sucre comme on fait nous, avec des pâtisseries, en étant conscient qu'il y en a à l'intérieur, plutôt que d'en manger tout au long de la journée, sans en être réellement conscient, par exemple dans les sodas, ou sur des repas qui sont déjà préparés, Il y a beaucoup de gens qui consomment du sucre sans même s'en apercevoir. Ils ne sont pas au courant, en fait, quand ils mangent un plat cuisiné, qu'à l'intérieur, il y a du dextrose, ou qu'il y a du sucre inverti, ou qu'il y a autre chose. Puis, vous voyez un petit peu l'équipe. On mange du sucre, mais tout le monde est à peu près sportif. Ah, c'est vrai, tout le monde est assez svelte dans votre laboratoire. Il n'y a pas d'excès. Au 19e siècle, quand vous étiez riche et bourgeois, vous deviez être gros, parce que ça permettait de montrer facilement aux autres que vous étiez prospère. Au 20e siècle, les riches sont minces, et c'est les gens plus défavorisés qui sont gros, en surpoids. Pourquoi ? Parce que ils achètent une alimentation essentiellement issue de l'industrie agroalimentaire, qui met énormément de sucre caché dans ce qu'elle nous vend, et qui fait que... Voilà, un enfant qui va manger des brioches industrielles tous les soirs en sortant de l'école plutôt qu'une pomme, évidemment, il se met dans les conditions favorables pour prendre du poids. Si on est clair, le sucre, c'est le sucre de table, c'est le sucre. Après, par extension, pour expliquer de la chimie, on peut parler des sucres. On devrait parler des saccharides, parce que les chimistes, ils parlent pas des sucres, ils parlent des saccharides. Alors, on peut avoir du glucose, on peut avoir du fructose, on peut avoir du saccharose, du sucre de table, et on peut avoir du lactose, on peut avoir du maltose, il y en a plein des sucres. Bernard Pellegrin, qu'est-ce qui vous a le plus affolé au cours de cette enquête ? Alors, c'est l'idée que si on enlève tout le sucre caché des produits en vente dans un supermarché ordinaire en France, il restera à peine 40% des produits sur les rayonnages, même un peu moins. Oui. Il y a du sucre partout. En fait, le vrai sujet aussi, c'est celui d'une intoxication collective à un produit qui est le sucre, mais comme il y en a eu d'autres, hein, le tabac, le gras, voilà. Mais c'est aussi le sujet d'une société que les Américains ont appelée la société du sucre, c'est-à-dire que comme on peut avoir besoin d'anxiolytiques ou de petites pilules pour dormir, etc., on a besoin que les choses soient sucrées. Par exemple, les bougies pour parfumer un appartement. Ça sent pas l'ail ou l'oignon. Ça sent le sucre, ça sent la vanille. Parce que c'est extrêmement agréable. La plupart des produits cosmétiques sentent le sucre. Et puis le sucre aussi, parfois, à masquer d'autres choses. Ça sert par exemple à masquer l'alcool. Il y a de plus en plus d'alcool destiné aux jeunes. On sent pas le goût de l'alcool, mais il y a de l'alcool dedans. Donc le sucre, ça peut être aussi une sorte de masque pour d'autres choses. Quand vous avez, alors je vais prendre un exemple, du sucre, tiens, voilà. Un cristal, maintenant nous savons que c'est fait de tas de petits objets empilés régulièrement. Et c'est parce qu'ils sont proprement empilés que le cristal a des facettes planes. Les trucs empilés, on appelle ça des molécules de saccharose. Bon. Alors, ces molécules de saccharose, il faut imaginer un jeu de construction avec des petites boules. Alors, vous avez des boules noires, noires parce que c'est noir comme du carbone. Les atomes n'ont pas de couleur, hein. C'est les atomes de carbone. Ensuite, il y a des boules, on va dire, rouges, ça va être des atomes d'oxygène. Et puis, les boules blanches, ça va être des atomes d'hydrogène. Alors, avec ça, on peut à peu près construire un système vivant. Le sucre de table, c'est un disaccharide, deux petits morceaux. Et on peut en faire 3, on peut en faire 4. Et si on en fait 1000, on a l'amidon. Donc là, on est rue Lecourbe devant l'école de Jean-Michel Perruchon et il va nous apprendre à cuisiner le sucre. Et vous, meilleur ouvrier de France, c'était en quelle année ? 93. Le sujet du concours, cette année-là, c'était l'esprit et la main. Et moi, mon esprit, c'est la transmission du savoir. Donc j'avais fait des livres en sucre, des feuilles de papier qui s'envolaient, des gâteaux qui sortaient des feuilles de papier, parce que voilà, c'est l'esprit qui retransmet au travers des pâtisseries qui sortent. Franck, qui est dans cette salle, prépare pour la semaine prochaine le cours artistique. Dans cette casserole, qu'est-ce qu'il y a exactement ? C'est l'isomalt. C'est un substitut de sucre. C'est mieux que le sucre ? Bah, ça permet quand vous travaillez dans des conditions humides, comme en ce moment il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, de pouvoir garder un peu plus longtemps la pièce sans qu'elle perde sa brillance en fait. Ça, c'est pas le genre de truc que vous allez manger, ça va pour de l'artistique. Il y a 3 pièces là dans les vitrines, elles sont toujours aussi brillantes. Il y a quand même de la chlorure qui absorbe l'humidité, mais vous pouvez garder sur la durée. C'est très joli, c'est des œuvres en forme de fleurs, de... La jaune là avec le saxo, donc c'est un peu sur le thème de la musique. Et puis la première, c'est une bouteille de parfum un peu stylisée. Et maintenant, à l'avant. Pour la première fois au monde, un musée se transforme en une sorte de palais de Dame Tartine. Le musée des arts décoratifs, puisqu'il s'agit de lui, organise en effet jusqu'au 17 avril une exposition consacrée au sucre d'art. Il faut dire qu'on peut tout faire, absolument tout, avec du sucre, des animaux géants, des reproductions de tableaux, des assiettes en faïence et j'en passe. Mais me direz-vous, quels sont ces artistes qui travaillent le sucre ? On n'est pas en train de brûler là ? Non, ça craint rien, ne vous inquiétez pas. Ça, justement, l'avantage de l'isomalt, c'est qu'à 200 degrés, il est encore blanc comme ça. Vous avez un chalumeau ? Vous voyez tous les cristaux de sucre qui sont au bord, là ? Il faut les faire fondre. Celui-là, il est juste cuit et coloré après. Mais le vôtre, là, enfin, celui qu'il a voulu faire en classique, on va mettre du glucose dedans. Et quand vous dites coloré, ça veut dire qu'il prend une couleur caramélisée ? Non, on va mettre un peu de colorant. Ah, c'est de la triche ? Non, c'est parce que suivant les couleurs que vous voulez. Et puis là, on va cuire au thermomètre. Les cuissons de sucre comme ceci, il y a celles qui vont servir dans la pâtisserie. Quand on cuit une meringue italienne, on va cuire le sucre à 118 jusqu'à 125 en fonction de la dureté de la meringue que l'on veut. 118, on va une meringue très souple qui peut être incorporée dans une mousse de fruits, une crème pâtissière, des choses comme ça. Et si on monte plus haut, 123, 124, on pourrait presque la dresser pour faire des champignons en meringue, des décors en meringue. Et après, au fur et à mesure qu'on monte, plus on a une dureté dans le sucre. Le glucose va servir à donner la rigidité, la dureté quand on va faire un signe en sucre. Plus la pièce va être importante, et plus on va mettre de glucose. Donc on va faire une pomme, on mettra à la limite 1 kg de sucre et 50 g de glucose. On veut faire un grand signe comme ça, on peut aller à 1 kg de sucre, 500 g de glucose. Mais plus on met de glucose, plus il faut cuire également. Pour le sucre tiré, c'est un peu différent. On va tirer, on va avoir un ruban qui va être très fin ou bien des fleurs. On va aller de 80 grammes, 100 grammes pour un ruban, et on peut monter à 200 grammes pour faire des pétales, pour faire une fleur en sucre qui se tienne. Pour le sucre soufflé, on aura une cuisson en fonction du glucose. Plus on met glucose, plus il faut cuire. Je vous ai expliqué. Soufflé. Travail du sucre soufflé. On prend une pompe et on fait comme les souffleurs de verre. Donc on fait des cygnes, on fait des colombes, on injecte de l'air dedans. Ah oui, alors ça, j'ai fait d'ailleurs une étude en 2001 sur le. Justement, c'est. Ah, comment vous expliquer ? C'était un pari contre Pierre-Gilles de Gênes. Pierre-Gilles de Gênes était physicien, prix Nobel. Et il a été à l'origine de ce qu'on appelle la théorie de la percolation. Alors la percolation, pour vous expliquer. Voyez, imaginez... Ah si, la percolation, tiens, ben voilà. Vous avez une machine à café. Vous mettez du café dedans. Donc c'est une poudre. On va bien la tasser. Hein. Voilà, comme ça. Donc on va envoyer de l'eau sous pression dans ce tas de grains tassés. Il se passe rien. Hop ! Ça y est, c'est le seuil de percolation. C'est-à-dire que l'eau a cheminé un certain temps entre les grains et tout d'un coup, crac, elle sort. Et il me semblait que sur le sucre, on avait également cette chose-là, parce que le sucre, vous le mettez dans votre casserole, vous le chauffez, et puis je le verse sur un marbre, et c'est comme ça que je fais un matériau vitreux. Vitreux, ça veut dire comme du verre. Si vous le chauffez à moins, c'est la découverte qu'on a faite, si vous le chauffez à moins que 127,4 degrés, à ce moment-là, vous avez un solide mou. Si vous le chauffez au-dessus de 127,4, vous avez un verre cassant. Pourquoi ? Ma théorie de la percolation. C'est-à-dire que les molécules de sucre, dans un cas, s'empilent, dans l'autre cas, elles sont plastifiées par l'eau qui reste. Alors, il y a le petit boulet, le grand boulet, le petit cassé, le grand cassé, le machin. Je retiens jamais ces termes-là. Moi, je m'intermède dedans et je sais ce qu'il en est. On n'a pas oublié le sucre sur le feu, non, là ? Non. Donc, vous voyez, il est à 115 degrés exactement. Donc, vous voyez, petit à petit, voilà, il change de couleur un petit peu. Mais c'est surtout au niveau de la bulle. La bulle est complètement différente. Arrivé à la fin, donc on était parti sur un sirop, on avait beaucoup d'eau, il y avait une bulle très fine et on l'entendait un petit peu chanter, mais très très fin. Et là, au fur et à mesure, plus on va monter, moins on va l'entendre, la bulle va être plus grosse et on entendra plus des bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, bloup, ça ira beaucoup plus fort. On dirait que c'est blond ? En principe, les sucres de canne restent davantage blancs parce qu'ils sont mieux lavés. C'est-à-dire que j'ai déjà fait l'expérience d'avoir un sucre de canne ici, un sucre de betterave là, les amener à la même température et ils sont pas du tout la même couleur. Regardez, à 120, il a changé de couleur. Il était plus blanc comme le départ puisqu'on avait un sucre blanc. Et là, vous voyez, il commence à jaunir légèrement. Et quand je vais arriver à 160, 165, c'est la limite pour avoir du blanc. Et si on continue, eh bien, il va passer au charbon. Couleur ratée, quoi. Couleur plus que ratée. Mais ça dépend, parce que on peut avoir volontairement du charbon pour faire des décors spéciaux. Oui, mais c'est comestible quand même. Ah non, c'est plus comestible, dans l'artistique. Ah, mais l'artistique se mange pas, alors. Non. Vous entendez les bulles, elles épaississent. On entend petit à petit. Elles sont plus sourdes, plus rondes. Et avec l'habitude, j'arrivais à dire, voilà, là, il est à 132. Et je mettais le thermomètre, c'était 132 précis. Quand on en fait tous les jours, on vit son sucre, on le voit. Quand on va le mettre sur le marbre, on va le laisser refroidir à peu près à 80 degrés. Et à 80 degrés, on va commencer le satinage. Donc satiner, c'est ça. Hop. On sent déjà qu'il commence à être un petit peu plus ferme, comme ça. Et on retourne à chaque fois pour pas garder le contact du sucre sur la table. Et vous allez voir, quand ça sera assez satiné, il va commencer à claquer. C'est l'action de recoller les cristaux de sucre. C'est-à-dire que là, quand il est cuit, quand il est liquide, qu'il est chaud, on voit plus les cristaux de sucre. Tandis que l'on veut, c'est le refroidir pour pouvoir commencer la chaîne moléculaire des cristaux de sucre. Et c'est en faisant quoi ? C'est en rentrant de l'air dedans, petit à petit, ça va refroidir. Il y a un petit cristaux qui va accompagner un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. comme on le rééclate parce qu'on retire dessus, il se retransforme en cristaux et c'est les millions de facettes de cristaux qui donnent le côté brillant et satiné comme là-bas. J'ai un copain qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Jean-Claude Risset, qui est un très grand musicologue, acousticien. Et Jean-Claude, il a inventé, enfin, il a utilisé cette idée. Voilà, je le cherche en ligne. Risset Staircase. Voilà un escalier d'échelle musicale. Vous voyez, celui-là, il descend. Il descend à l'infini. C'est-à-dire, dans une heure, il continuera à descendre. Continue à descendre. Et quand on est très attentif, on sent l'escalier qui tourne comme celui d'Escher. Et ça continue à descendre. Hein. Il y a des moments où on entend tac, ça tourne. Vous voyez ? Là, ça a tourné. Là, ça a tourné. Ah bon, peu importe. Et donc, je me suis dit, mais faisons-le en cuisine. Donc, j'ai inventé un plat qui devient de plus en plus sucré. Puisqu'il y a un effet de l'acidité sur le sucre, en gros, vous prenez un verre de vinaigre, il est très acide. Vous mettez plein de sucre, il devient très sucré. Pourtant, il y a toujours le vinaigre. Donc, on peut jouer avec les deux, c'est-à-dire que pendant qu'on augmente ou on diminue le sucré, à ce moment-là, on joue avec l'acide, puis au bout d'un moment, on se remet dans la même situation. Oui, j'avais entendu parler aussi d'un fruit. Je crois que c'est un fruit ou une substance. Alors, c'est pas pour sucrer directement, mais quand on en met sur la langue, ce qu'on mange ensuite... Absolument, la miraculine, c'est... ça fait rien. Ah, voilà. Mais vous savez, avec l'artichaut, ça fait cet effet-là. Vous mangez un fond d'artichaut, vous allez boire de l'eau derrière, elle paraît sucrée. Voilà pourquoi c'est si difficile d'avoir de l'artichaut dans un repas de grande cuisine, parce que ça change tout derrière. Il faut être prêt à avoir inventé quelque chose de bien. Et comment c'est possible que ça modifie le goût ultérieurement? Oh, c'est de la physiologie, ça. Moi, je suis pas physiologiste, je suis chimiste, vous savez, je suis un homme simple. Vous avez vu, il est brillant, il est devenu transparent, en fait. C'est il a changé de couleur. On dirait un coquillage. Il a changé de couleur. Et là, on va travailler maintenant sous la lampe. Et ça vous fait impeccable. On dirait comme de la nacre. Oui, c'est brillant, parce qu'il est satiné en fait. Si j'ai le temps, on peut voir le début d'une rose. Le cœur, il faut deux pétales entrecroisés. Après, on va, pareil. Vous pliez un petit peu. Voilà, retourner. Comme les vraies roses, elles sont toujours un retour. Pareil, exactement pareil. Plus vous êtes régulier, plus votre rose va être régulière. Et vous voyez, avec du sucre normal, c'est juste du glucose, du sucre et un peu d'acide tartrique, et ben on arrive à faire quelque chose de très bien. Et ça brille, hein, vous voyez, c'est nacré. Il faut vraiment quelque chose qui soit un petit peu ferme. C'est pour ça que c'est quand même physique. À la fin de la journée, quand vous avez fait 8 heures de sucre, vous êtes complètement cuit. Parce qu'il faut rester concentré pour pas vous brûler ou pas essayer de monter une rose qui ressemble à une vraie rose. Si vous faites une fleur trop épaisse, ça fait pas joli. Et à la fin, vous aurez plus un chou qu'une rose. C'est super facile de faire un chou. C'est très difficile de faire une rose. Et les pétales, c'est comme une vraie rose. C'est toujours des nombres impairs. Donc là, vous allez mettre 3 pétales. Et après, vous partez sur 5. 1, 3, 5, 7, 9. Et nous commençons à 150 francs. 200 pour le sachet 250, du Watergate. 350 à droite. 400 au fond. 500 francs au fond. 900. Le sachet du Watergate, 500. 900. Personne ne couvre l'enchère de 500 francs. 500 francs au fond. Ce sachet du Watergate, c'est un sachet de sucre du café qui est au pied de l'immeuble du Watergate à Washington. Et il n'était que l'un des 10 000 morceaux de sucre qui étaient vendus aujourd'hui à l'hôtel Drouot par une glucophile convaincue, Sabine Bourget. C'était une collection finalement de jeunesse, parce que bon, ça ne coûte rien. Puis c'était assez facile à trouver, donc on en trouve des tas partout. Et c'est amusant de constituer des séries, un ensemble. Certains morceaux ramassés ici ou là en vacances à l'hôtel au bistrot ont rapporté gros, puisque l'un d'entre eux a coté 3500 francs. Il s'agit d'un curieux sucre de l'asile psychiatrique de Lannemezan. Bien coté aussi, un rescapé de l'ORTF. Gabriel Emmanuel n'a pu résister au besoin de comprendre comment, en toute honnêteté, on peut se sucrer aujourd'hui. Là, il y en avait un peu plus de 10 000. Ben, on les ramasse soi-même, d'abord, avec constance. Puis on en parle à tout un tas de gens qui vous en rapportent. Et puis à la fin, on rencontre des collectionneurs. Donc fatalement, on fait des échanges et on en a. Le CEDUS, le Centre du Sucre, va fonder un club d'ailleurs. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'adhérents. Quelques instants, nous arrivons en gare de Bruxelles Midi, notre terminus. Damtenneren, over in Köbe, on the Blaken, Commonwealth, and Là, on se situe à Bruxelles, donc la capitale européenne où se prennent les décisions politiques pour le continent. Et du coup, on va à la rencontre de Nina Hollande, qui travaille pour une organisation qui est une sorte de lobby anti-lobby. Vous avez notre petite guide, le Lobby Planet, en français. C'est un guide, on fait des... Ah, petit guide de la lobbycratie à Bruxelles. Des visites guidées par le quartier européen. Parfois, on visite les bureaux des lobbyistes. Moi, j'ai essayé de les contacter depuis Paris par téléphone, certains lobbies, et ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas donné suite, même en insistant. Ils ne voulaient pas parler aux médias. Ils ont bien compris que ce n'est pas favorable pour leur réputation. Le grand lieu aujourd'hui du lobbying pour l'Europe, c'est évidemment pas les capitales de chacun des pays, c'est Bruxelles, hein, parce que c'est là qu'il y a le Parlement, c'est là qu'il y a l'exécutif. Donc, il y a une ONG à Bruxelles qui recense, enfin, qui travaille sur tous les lobbies, hein, la fameuse avenue de Bruxelles où il y a tous les lobbies. Et je crois que sur le sucre, ils en ont recensé une soixantaine. Donc il y a une soixantaine d'associations qui travaillent à faire en sorte que la législation européenne, les directives européennes, soient les plus modérées à l'égard du sucre. Nous, chez Corporate Europe Observatory, nous sommes comme un lobby watchdog. Donc c'est un ONG qui fait de la recherche et des campagnes politiques contre le pouvoir des multinationales à Europe. Depuis longtemps, on s'est rendu compte du pouvoir que les multinationales ont sur l'agenda, les priorités de Bruxelles. On s'est rendu compte aussi que les institutions européennes eux-mêmes privilégient beaucoup d'entendre l'industrie sur d'autres intérêts. L'industrie a beaucoup plus de possibilités de participer vraiment dans des groupes d'experts qui sont les groupes d'avis, qui ont de l'influence sur les premières jets d'un nouveau loi ou une politique. À Bruxelles, il y a environ 25 000 lobbyistes qui sont là tous les jours. Ils ont beaucoup plus de ressources financières. Ils ont aussi l'accès aux consultants, les mercenaires de lobbying, des avocats. Donc, facile de faire le lobbying et d'être partout. En fait, il y a deux méthodes pour les lobbyistes. La première, c'est vraiment du travail de lobbying, c'est-à-dire d'être dans les couloirs. Un lobby, en américain, c'est un couloir, d'être dans les couloirs des parlements pour intervenir sur les gens qui font la loi et les pousser, évidemment, à amender éventuellement les lois qui pourraient être contraires aux intérêts de leur lobby. Et puis, la pression scientifique qui s'est développée au fur et à mesure des décennies de la fin du XXe siècle. Il fallait apporter la preuve scientifique que le sucre était inoffensif. Un des grands sujets aux États-Unis, ça a été ça. Ça a été de dire aux gens, mangez du sucre, c'est pas important, ne mangez pas de gras. Et comme évidemment il est impossible de ne pas manger de gras, et bien ils mangeaient et du sucre et du gras, ce qui est la meilleure manière de devenir obèse ou d'être en surpoids. Donc il y a eu effectivement cet investissement de la sphère scientifique qui, pour des raisons purement financières, parce que très souvent, alors aux États-Unis complètement, en France beaucoup moins, mais malgré tout, il y a des problèmes de financement des recherches, ben souvent les scientifiques trouvent de cette manière-là des manières de financer tout ou partie de leurs recherches. Et au tout début de ce système aux États-Unis, les gens n'y ont pas vu trop malice, puisque aussi bien il s'agissait de travailler en scientifique, avec les méthodes scientifiques, sauf qu'il fallait apporter des preuves qui n'étaient pas forcément réelles, signifiantes. Il y a aussi une phase très importante avant qu'une loi soit écrite. Là, l'influence relative est beaucoup plus grande. Donc, pour influencer cette première phase de la prise de décision, il faut, par exemple, avoir des études prêtes pour influencer cette décision. Et quand une loi est écrite, il y a plein d'amendements que l'industrie peut promouvoir, mais la phase avant est beaucoup plus effective, en fait. Pour tout ce qui est sucre, c'est moi l'expert. Chronica, le festival, la fameuse tarte à la crème. J'étais là, et pique-nique royal. Je suis là, oh la reine. Et sur la lune, jetez la folle ambiance, le café. Oh, le café délicieux. Vous voyez bien que c'est moi l'expert. Alors quand je vous dis qu'avec le sucre, on passe de bons moments, bah croyez-moi. On imagine une petite ONG avec une poignée de personnes. Comment est-ce que vous pouvez lutter contre 25 000 lobbyistes actifs? Le combat est un peu inégal. Mais par exemple, comment est-ce que vous vous êtes procuré ce document Matrix Coca-Cola? Ce document s'est produit lors d'un leak, DC Leaks. C'était un grand fuite des emails du Parti démocrate aux États-Unis. C'est un graphique de Coca-Cola avec une cinquantaine de dossiers qu'ils suivent à la fois. Donc ça montre la sophisticité de leur lobbying, le nombre de dossiers. Ce qui est très intéressant dans cette image, c'est qu'ils ont divisé en trois. Il y a un groupe qu'il faut surveiller. Ce n'est pas encore très urgent et pas très important. Il y a une phase qu'il faut se préparer. Donc ce sont des dossiers qui sont probablement menaçants, mais pas encore très avancés. Et finalement, il y a un groupe qui s'appelle Combattre. Donc ce sont les sujets qui sont vraiment urgents, qui auront un impact très important sur l'industrie Coca-Cola. Le plus important, c'est les taxes soda. Les pays qui ont installé un taxe soda ont eu de la pression de la Commission européenne. Chaque fois, les entreprises, donc les fédérations des lobbyistes au niveau national, ont essayé de faire que la Commission européenne mette en plainte pour abolir cette taxe. Bernard Pellegrin, vous relatez aussi les différents épisodes de la guerre des sodas au Mexique. Et ce que vous racontez est vraiment terrible. Le président du Mexique, à une époque, était le patron de Coca-Cola pour le Mexique. Donc évidemment, ça n'arrangeait pas les choses. Le Mexique boit du Coca-Cola beaucoup plus que de l'eau. D'abord parce que l'eau minérale, par exemple, est plus chère que le Coca-Cola. Et aussi parce que Coca-Cola a payé énormément de choses au Mexique. Donc oui, c'est un pays qui a été complètement soumis à la loi de Coca-Cola. Ça, c'est absolument certain. Oui. Mais il y a des tas de pays aujourd'hui dans le monde, parce qu'il faut dire que la consommation de sucre dans les pays occidentaux, en Europe notamment, mais aussi aux États-Unis, baisse. Les gens se sont rendus compte que c'était excessif, dangereux, etc. Pour leurs enfants notamment, bien sûr. Donc les parents sont vigilants, etc. Mais dans beaucoup d'autres régions du monde, le sucre est au contraire en train d'augmenter en termes de consommation, notamment les pays asiatiques. Aujourd'hui, en Thaïlande, les mères de famille mettent du sucre sur les pâtes des enfants. Après, il y a plein d'autres sujets, un dossier publicité dédié aux enfants. Puis après aussi, c'est quoi un enfant? Une définition européenne, c'est quoi un enfant? Puis après, il y a aussi des dossiers autour des emballages, les produits chimiques utilisés dans l'emballage. Il y a aussi d'autres sujets comme émissions CO2. Mais c'est clair que pour la consommation de sucre direct, le plus efficace, c'est une taxe. Et c'est les taxes qu'ils veulent éviter. On a travaillé beaucoup le sujet de conflit d'intérêts chez l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. On a pu constater que dans le groupe d'experts qui a évalué l'aspartame, il y a des gens dont la recherche est financée par Nestlé, par exemple. Et l'EFSA a considéré que ce n'est pas un conflit d'intérêts parce que Nestlé n'est pas le producteur d'aspartame. Mais c'est l'utilisateur d'aspartame. Donc il a un grand intérêt dans l'autorisation de l'aspartame. Pour certains, le sucre, comme le rappelle un peu le titre de votre livre, L'autre poudre, c'est un peu assimilé justement à une drogue pour ses effets addictifs. Ce que dit Serge Ahmed, après évidemment l'avoir expérimenté sur des souris, etc., est juste. Le sucre nous récompense comme n'importe quelle drogue, et notamment comme les drogues dures. Ce qui ne veut pas dire évidemment que le sucre a les mêmes effets que l'héroïne ou la cocaïne. Dans mon bouquin, je dis on n'a jamais vu des enfants de 10 ans attaquer une boulangerie pour aller voler du sucre. Comme d'autres attaquent des pharmacies. Mais malgré tout, il y a cette récompense qui, lui, l'a bien montré scientifiquement, qui fonctionne exactement de la même manière. ce qu'il a montré notamment à Bordeaux dans son laboratoire, ce qui était étonnant parce qu'à l'époque c'était vraiment un petit chercheur français qui attaquait volontairement ou involontairement les gros lobbies américains. Il a démontré qu'une souris était plus attirée par de l'eau sucrée que par de l'héroïne alors qu'elle était rendue accro. Et suite à ça, il a été contacté par les fabricants de Nutella. Oui, c'est ce qu'il m'a raconté. Effectivement, alors ça aussi, c'est une anecdote. Elle révèle quelque chose, c'est-à-dire que ces lobbies, très souvent, comme tous les lobbies du monde d'ailleurs, quand ils découvrent que quelqu'un travaille contre eux, ils cherchent avant tout et d'abord à rallier cette personne à leur cause. Soit évidemment avec des moyens financiers, soit avec de la persuasion, mais il y a toujours cette démarche qui fait qu'on va vers celui qui dit un peu la vérité, entre guillemets, dans l'espoir de le retourner, presque au sens d'un espion, pour le gagner à la cause, alors ici du sucre, là du gras ou de la cigarette ou d'autres choses. Donc effectivement, il a été contacté par des gens de chez Nutella qui lui ont dit « mais c'est très intéressant ce que vous racontez, on pourrait faire quelque chose ensemble ». Et il a décliné évidemment, et lui dit que ce qu'on allait lui proposer, c'était de financer plus avant ses recherches, c'était de lui donner des moyens. Bien évidemment que Nutella ou d'autres grandes marques, Coca ou que sais-je, ont des moyens considérables qui peuvent, par rapport notamment à la recherche publique en France, faire la différence absolue, quoi. Nina Hollande, dans votre rapport qui est intitulé « Une cuillère pleine de sucre pour l'Europe », on peut traduire ça comme ça, vous évoquez surtout les budgets faramineux qui sont mis dans ce lobbying. Coca-Cola a un budget de 250 000 euros par an pour le lobbying. Les vrais chiffres doivent être beaucoup plus élevés. Il y a quelques années, ils ont payé un autre consultant de lobbying, Fleischmann Hillert, pour mettre en place un site web pourquoi les taxes soda ne sont pas efficaces. Fleischmann Hillert, c'est le même groupe qui a travaillé pour Monsanto, qui a fait le fichage des personnes, des journalistes aussi. Donc maintenant, on sait que Fleischmann Hillert a été payé 14 millions d'euros juste pour ce projet-là, pour Monsanto. Donc les vrais chiffres sont probablement beaucoup plus élevés que 200 000, 300 000. On a fait ce rapport sur le sucre parce que lors de la lutte autour de l'étiquetage, c'est une victoire énorme de l'industrie parce que ce n'est pas obligé d'écrire sur l'étiquette la quantité de sucre ajouté. Parce qu'il y a toujours un peu de sucre naturel. Par exemple, dans le sauce tomate, il y a le sucre des tomates. On a constaté qu'il n'y a pas seulement les entreprises comme Coca-Cola et Danone, il y a aussi plein de fédérations qui sont concernées, les fabricants de sucre, les associations européennes des snacks, associations européennes des biscuits, associations européennes des sodas. Et ensemble, ils ont différentes tactiques et différents outils pour obtenir le status quo avec une consommation élevée de sucre. Entre autres, il y a les portes tournantes dans la fédération principale agroalimentaire Food Drink Europe. Il y a beaucoup entre le personnel qui vient directement de l'EFSA ou de la Commission européenne. Ça veut dire qu'il y a des gens, des lobbies, qui vont devenir des parlementaires et ensuite des parlementaires qui vont devenir lobbyistes ensuite, c'est ça, le système des portes tournantes? Les portes tournantes, ça veut dire que quelqu'un construit son carrière à Bruxelles, qui arrive par exemple comme un fonctionnaire junior dans la Commission européenne, puis travaille pendant 6 ans dans Food Drink Europe, la fédération de lobbyistes pour l'agroalimentaire. Et puis après, peut retourner à une fonction publique. Il y a plein d'exemples. Il y a aussi les fonctionnaires de l'EFSA qui après ont déménagé à une boîte de lobbying. Et parfois, plusieurs fois. Et c'est aggravé par le fait que la prise de décision s'est concentrée maintenant à Bruxelles. À Bruxelles, c'est un petit monde. Il n'y a pas tellement de fonctionnaires ici, quelques dizaines de mille. Et donc, c'est assez efficace pour l'industrie d'être ici, d'avoir des relations partout avec tout le monde, de parler toujours avec tout le monde, les jeudis soirs, être au Place Luxembourg. Tout le monde est en bière avec avec les autres, tout est mélangé. Et donc c'est un petit commune, écosystème où tout le monde se connaît et c'est très efficace. On a remarqué qu'en fait, dans la Commission européenne, le département général de consommateurs et santé publique est très ouvert à l'industrie par rapport à la biotechnologie, pesticides, etc. Mais aussi au sein de l'EFSA, on a eu beaucoup de discussions avec l'EFSA, pourquoi il accepte des experts avec tellement de conflits d'intérêts. Par exemple, il y a un groupe de lobbying de l'industrie scientifique, c'est le ILSI, International Life Sciences Institute, qui a un bureau à Bruxelles. Ils sont financés par McDonald's, Coca-Cola, Unilever, tout le monde. Ils suivent tous les sujets de l'EFSA, l'obésité, biotechnologie, pesticides, tous les sujets. Et ils financent des ateliers, des rapports, où il y a un mélange de scientifiques réglementaires, des scientifiques académiques et des scientifiques des entreprises. Et ensemble, ils construisent des méthodologies. Donc, il faut avoir d'autres scientifiques, d'autres experts qui sont capables de mettre à part ce qui est intérêt privé et ce qui est intérêt public. Et ça, c'est assez rare, parce qu'il y a peu de personnes dans le monde scientifique qui veulent se mettre en avant pour éviter d'être vues comme activistes ou comme trop engagées politiquement. Mais c'est ça qu'on a vraiment besoin. Et peut-être ce qui est le plus affolant, c'est la disproportion dans les rapports de force. Ah oui, oui, ça, bien sûr. Mais alors, pardon, hein, parce qu'on va passer du... du débat sur l'information au procès du capitalisme, mais voilà, l'industrie agroalimentaire, ce sont des multinationales qui sont cotées en bourse et qui versent des dividendes à leurs actionnaires, donc ce système pousse évidemment à ce qu'on consomme toujours plus, donc toujours plus de sucre. Vous mettez quoi dans votre café aujourd'hui, Bernard Pellegrin, après cette enquête ? Alors moi, je mets un morceau de sucre dans mon café le matin, comme l'ouvrier parisien au début du XXe siècle. La consommation de sucre en France, avant la Première Guerre mondiale, c'est 1 à 2 morceaux de sucre par jour. Parmi les aborigènes d'Australie, il y a ne serait-ce que 30 ans, c'était 1 morceau de sucre par an. Aujourd'hui, il y a certains endroits du bush australien où on atteint des records de consommation de sucre, au point d'ailleurs que le gouvernement australien a mis en place des programmes pour apprendre aux aborigènes à se passer de sucre. Alors pourquoi je fais ce détour ? C'est pour dire que la consommation de sucre avec modération ne pose pas de problème. Encore une fois, ce qui pose un problème, c'est l'excès. Et cet excès, il est évidemment favorisé par les lobbies agroalimentaires dont c'est le fonds de commerce. C'est une lutte énorme. Les stratégies de l'industrie sont à très long terme. Le Food Drink Europe, chaque 6 mois, quand il y a un changement de la présidence de l'Union européenne, avant qu'un pays commence son présidence, ils ont une réunion dans la capitale de ce pays avec des ministres, hauts fonctionnaires, un dîner et tout, pour discuter des priorités de l'agenda pour les 6 mois qui viennent. Qu'ils sachent bien que nous ne nous laisserons pas faire. Nous avons maintenant des moyens d'action. Let's start this shit. C'était De la gourmandise au lobby, avec Jean-Michel Perruchon et Franck Colombier, chef pâtissier de l'école Belloué Conseil, Hervé Tiss, chimiste, Nicolas, Gabriel, Isabelle, Arnaud et Gaël de la pâtisserie Nicolas Bernardet à la Garenne Colombe, Bernard Pellegrin, auteur de Sucre, enquête sur l'autre poudre aux éditions Talendier, et Nina Hollande, auteur du rapport Une pleine cuillère de sucre pour l'Europe, pour Corporate Europe Observatory. Documentaliste Ina Manuela Dubessi, documentation sonore Virginie Gresset. Grain de sucre, Alain Joubert. Grain de sel, Jean-Philippe Navarre. Grain de poivre, Lydia Benitzrak. Avec Daddy Sucre, le sucre en paquet rose, tous les prétextes sont bons. Soir. Daddy Sucre, le sucre en rose. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter après la bûche de ce soir, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anise Signoret.